Y'a que la misère et ma famille qui m'ont appris à devenir plus fort. Tends ton verre pour que je t'en remette avant que la bouteille porte en mer. On va se les faire, faudra s'y faire. Je sais pas si je t'aime, je reste si fier. Je peux pas me louper, précis comme Tchétchène. RS la plus tête, je caresse la plus belle. Marseille ma ruelle, je rêvais de m'en tirer quand j'étais soumis elle. Confiance en mon équipe, je mets tapis direct. Couleur des sirènes, bleu comme le ciel. Très noir la cellule, veulent te voir manger, mais jamais plus que. J'en même pas le RS, je risque de les brusquer. C'est sans poids ni loi, je t'ai cramé de loin. On m'a rien donné, je mets les deux points. On se marrait de moi dans mon petit coin. Personne va me voir arriver comme le pingouin. Ta vie tient qu'à mon index. Pour la famille qu'on l'a fait, vrai. Personne m'a arrêté de toute manière. Tête cramée se fera pas relaxer. Pfeffra. Y'a que la misère et ma famille qui m'ont appris à devenir plus fort. Tends ton verre pour que je t'en remette avant que la bouteille porte en mer. On va se les faire, faudra s'y faire. Je sais pas si je t'aime, je reste si fier. Épisode. Désormais ça fait des sommes. Qui je déteste le plus, celui qui est venu mettre les menottes ou la pouki qui a trahi mon pote. Pour papa grosse trop mon, genre de garde, c'est la teon. Je rentrais rabote le week-end, je finis minuit pile. Quand j'étais minot, ouais je la meute, y'a pas de marche solitaire. J'ai guisé l'épée, déguisé sur la guitare, bien conseillé. J'écris sans médiser, les mains liées. Nos cœurs c'est la grisaille, j'aime encaisser, on assure la détail, même en hiver. J'ai traîné, traîné tard. J'ai pesé, pesé le tas. Je compte même plus ce qu'on a baisé. Toujours nous-mêmes, les mêmes qu'au départ. Oh,